You're listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis St. Paul and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-9080 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Oh oui, le petit Larsen. Oui, oui. Bonsoir Freddy. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Freddy, bonsoir Adrien. Bonsoir Romain. Bonsoir Romain. Oui, le, I don't know, the headphones were at the maximum volume. And as soon as I put them like near the mic, that was not welcomed. No. So. And that was weird even for us because we could hear, you know, the like an echo. And yeah. Yeah. So I got the volume down right away, but yeah. It's well, those things now. Happen. Yeah, well, it does. It is live. We are live. Yes. Otherwise, we would have, you know, we would edit it. Yeah. But we're not, you know, we are live, so. Yeah. No edition. Nope. All right. Well, tonight is a special Black History Month. Mm-hmm. So we're going to talk about, we're more going to play songs about it, about slavery and racism and colonies and things like that. Mm-hmm. But we'll also talk about the events. Of course. There are some happening, and there are like a couple of them that I didn't know about, and we don't have Facebook events for, so I need to kind of fish for it. Mm-hmm. But kind of interesting. There's an Italian like festival, but it's opening the festival with three short movies in French, and it's going to be at the Saint Anthony. Oh, yeah. At the Main. At Main, yeah. And Saint Benedict and Saint John is doing their French festival. Oh, yeah, again. Like last year. Yep. So I have like the dates and everything. And Lumière Française? No. It's not Lumière Française? No. C'est avec Albertine. With Albertine. But Lumière Française is it's the festival in July at the Main. Oh, yeah. But okay. Yes. No. But it's a French festival. Yeah. So, we're going to start with three songs. The first one is from Pierre Sellos, and it's called Martin Luther King. Mm-hmm. And talking about all his life and, I mean, things like that. Then we're going to listen to Francesca Soleville with Complaint pour Angela Davis. And then another song from Pierre Sellos, but I didn't want to line them up because I wanted MLK and Angela Davis to be next to each other. The song from Pierre Sellos is L'Oncle Sam, Uncle Sam, and it's talking more about slavery than civil rights. So, all right. Eh ben, c'est parti. On y va. Il y avait du soleil. Le temps était bon, il regardait le ciel depuis son balcon pour aller là-haut. Quel plus court chemin qu'une balle dans la peau par un beau matin. Martin Luther King, Martin Luther King, Martin Luther King. Au paradis, pour pouvoir entrer, le gardien lui dit: quel est ton métier? Je suis un pasteur. Mes brebis sont noires, y a-t-il des couleurs dans le ciel de gloire? Martin Luther King, Martin Luther King, Martin, Martin Luther King. J'ai crié l'amour, j'ai voulu la paix, alors que toujours les mains se fermaient quand les poings tendus voulaient

ce pays. Oh, oh, oh, oh. Pourtant il ne me reste que lui. Oh, oh, oh, oh. Pour aimer au paradis. Je ne reverrai jamais la rivière au piroguier, ni mon amour que j'ai perdu et qu'on m'a fait oublier. Puisqu'il me faut refaire ma vie sous de nouveaux horizons, je montrerai que j'ai servi à notre libération. KFAI is proud to present Justin Adams and Mauro Durante at the Cedar Cultural Center on Sunday, February 18th. Trance Blues from the Mediterranean, Justin Adams' earthy guitar with Mauro Durante's Toronto Spell conjure a raw and emotive enchantment. Tickets for Justin Adams and Mauro Durante can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. Et voilà, we are back and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Yes. And it is 8:14. Oh, 8:14. Yes, that's right. In Minneapolis, St. Paul. Exactly. We just listened to three songs. The first one was from Pierre Sellos with Martin Luther King. Then after that, it was Francesca Soleville with Complainte pour Angela Davis. And the last one just now was Pierre Sellos again with L'Oncle Sam talking about, you know, Uncle Sam mm-hmm. and slavery yeah. and mm-hmm. importing people and things like that. So it's a special Black History Month tonight. So we're taking advantage of it and playing songs that we don't usually play. Mm-hmm. All right. So what's next? Well, we're going to listen to a song from Jean-Christophe Jehan with called Esclavage, mm-hmm. Le Bois d'Ébène, or Ebony Wood. Then Collectif Tous Les Mêmes with Stop à l'Esclavage. And this is a fairly recent one. And Chris Combette with Les Enfants de Gorée, The Children of Gorée. And for people who don't know Gorée, it's on the western coast of Africa, and mm-hmm. that was one of the biggest ports. For slavery? Yeah. All right, on y va? Eh ben, allons-y. Les horreurs, je ne peux les oublier. Quand je suis parti de la ville de Nantes, je croyais chercher du bois de charpente. Mais ce bateau vendait de la chair humaine. Dieu me pardonne, la route du bois d'ébène. C'est un grand malheur

So my sister says to me, donate your old car to KFAI. And I say to her, you mean just give it away? You're crazy. Then my sister says, okay, how much is that car worth to you? And I say, nothing. She says, what would a dealer give you? And I say, nothing. And she says, well, it's worth something to KFAI. Give it to them, and they'll get some money for it and use it to make the radio you love. I know she's right, but I say, I bet it's hard to do. And she says, no, just go to their website, fill out a form, and that's it. They haul your car away and you're done, except that you might get a tax deduction. And I say, I guess Mom was right after all. You are smarter than me. And my sister just smiles. Go to kfai.org, click donate, and scroll down to vehicle. Et voilà, we are back. Yes. And we're still on Bonjour Minnesota on KFI Radio. Exactly. And so, Freddie, mm-hmm. what did we listen to? Well, we just listened to three songs. The first one was from Jean-Christophe Jehan with Esclavage, Le Bois d'Ébène. Then we listened to Collectif Tous les Mêmes with Stop à l'Esclavage. And just now, the last song was Chris Combet with Les Enfants de Gorée. And we're going to keep on going, talking about, songs about slavery and... Colonization mm-hmm. and racism. The next set we're going to listen to is going to be Sobregaz with Toi Esclavage. And then it's going to be Hervé Tirefort with Chanson de l'Esclave. And then Daniel Forestal with La Prière de l'Esclave, or The Prayer from the Slave. Eh bien, très bien. On y va? Allons-y. Point de départ, l'île de Gorée, où des gens attendent enchaînés, qu'on vienne un beau jour les libérer. Espoir, trop tard. Hommes et femmes sont couverts de sang. Du soleil levant au couchant, sans avoir aucune notion du temps qui passe, trépasse. Toi qui a détruit des millions de vies, nous t'avons plusieurs fois appelé au lit. Tu frappes encore au jour. N'étoieront plus la poussière. Fais donc un pas en arrière. Tout jamais. Tant d'hommes sont tombés sous les coups. Point lié à terre à genoux, mais sans jamais gagner un seul sou. Pour l'or, son bord, sur n'importe quel continent, vente de fruits, d'armes et de gens, peu importe qu'ils soient les noirs ou blancs, un même problème. Toi qui a détruit des millions de avant plusieurs fois à Bolivie, tu frappes encore aujourd'hui. Ça c'est toi qui a sévi des millénaires. Nos fronts n'étoieront plus la poussière. Sors et déjà c'est trop de larmes au cou.

attaché à la terre. Je n'ai connu de la vie que misère. Grand Dieu sauveur, apaisez donc ma peine, chassez mes pleurs et calmez ma douleur. Ma tâche est lourde et cause ma détresse, mais chaque jour je la fais sans faiblesse. Ayez pitié de moi, grand Dieu sauveur, envoyez-moi de la joie dans le cœur. Triste sort ne peut rendre jaloux, mon beau pays ne me paraît plus doux. Je n'ai pour bien que ma triste chaumière, mais mon cœur qui espère trouvera le bonheur. Depuis 30 ans attaché à la terre, je n'ai connu de la vie que misère. Grand Dieu sauveur, apaisez donc ma peine, chassez mes pleurs et calmez ma douleur. Ma tâche est lourde et cause ma détresse, mais chaque jour je la fais sans faiblesse. Ayez pitié de moi, grand Dieu sauveur, envoyez-moi de la joie dans le cœur. Programming is supported by Schubert Club Mix, presenting Parivar. Created by Minnesota-based performer and composer Shruti Rajasekar, Parivar brings together music, film, and food for this multimedia celebration of community and culture. February 18th at the Ordway. More at Schubert.org. Et voilà! You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Indeed. With Romain. Freddy. Adrien. Adrien. And yeah, the Three Musketeers tonight. Oui. C'est ça. Awesome. Well, un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Okay. Ah, Jean-Jacques Debout. Yeah, maybe. Do you, you never watch Les Trois Mousquetaires with the dogs? Yeah. Okay, well, that's I Jean-Jacques did. Debout. Yeah, I remember that song very well. I think I have that song, actually. And we still need to do a special... Yeah, but we need to sit down before we do the show to discuss what we want to listen and how long we want to listen. Because some of the that songs... That would be a little... Yeah, they are short. Some of the songs are short. I just have, like, the chorus, and it's like 20 seconds, right? But some of the songs, they are 2 minutes 30, 3 minutes, or whatever. And like Bernard Minet. Yeah, we need to decide what we're doing. Are we playing just samples or the whole show? And maybe not the whole show, like you could do an hour. But we really need to talk about that. That would be a lot of fun. Yes, it should. So we did listen to Sobregaz with Toi Esclavage. Then after that, it was Hervé Tirefort with Chanson de l'Esclave. And Daniel Forestal with La Prière de l'Esclave. So it's a special slavery. I mean, like a Black History Month and for the night, and with songs about colonies and slavery and racism and that sort of thing. So, all right. And so, what's next? We're going to keep on going. We're going to listen to MC Solar with the song called I know that one. Les Colonies. Oui. Excellent. And Tikenja Fakoli with Il faut se lever. This song is very militant about Africa and resolving their own problem. And We need to stand up. Yeah, kind of like nobody else is going to do it for them, and you know, so they have to do it. Tikenja Fakoli, I really like him. He has a lot of very good songs. And then Gauvin Serre with Ta place dans le monde. And it's about racism in general and the differences. So, all right. All right, c'est parti. On y va. On

que l'Eldorado est là. On veut voler de nos propres ailes. C'était le rêve de nos aïeux. Elle est pas si loin, l'étincelle. Il suffit qu'on ouvre les yeux. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. J'ai dit personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. N'ayons pas peur de l'ouvrage. N'ayons pas peur, tournons la page pour construire un monde nouveau. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Il faut se lever. L'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. T'as compris très tôt, depuis l'enfance, que tu portes le maillot de la différence. Même quand tu marches droit, on te montre du doigt. Jamais tu sortiras sans tes papiers sur toi. Tu sais ce que c'est qu'être un bouc émissaire. Parce que ton père est né sur l'autre hémisphère. Toi tu ne les connais pas, les rues de Kinshasa. On te rabâche pourtant de retourner là-bas. Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain. Au verre à moitié plein. Malgré tout ça, tu as un sentiment étrange. Peut-être que le monde change. Dans la cour d'école au ballon prisonnier, on te choisissait toujours le dernier. Les histoires se répètent et tu ramasses les miettes. Jamais sur un CV t'as pu coller ta tête. Les remarques sournoises, les regards qui blessent. Préjugés qui glacent, contrôle aux faciès. Chaque jour à la cafetière, le racisme ordinaire. Mais les petits ruisseaux font les grandes colères. Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain. Au verre à moitié plein. Malgré tout ça, tu as un sentiment étrange. Peut-être que le monde change. C'est vrai qu'on la trouvait plutôt jolie. Mais qu'est-ce qui a changé depuis Lily? Y a encore du boulot pour que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. Mais putain, ce serait beau que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. Et voilà, we are back and we listen to three more songs. Still on Bonjour Minnesota on KFI Radio. Yeah. And so what songs did we listen to? Freddy? So the first one was from MC Solar with Les Colonies. Then after that it was Tikenja Fakoly with Il Faut Se Lever from his album African Revolution. And Gauvin Serre just now with Ta Place Dans Le Monde. Actually, it's Ta Place Dans Ce Monde. And that was pretty nice. Yes. I like Gauvin Serre. Yeah. He has also a song that we'll probably listen next month about sexism and where he apologized to his wife for the stupidity of other people in the street. You know, because she has to think how she's going to dress and things like that, where she shouldn't have to. She should be free to go. Okay. But, so, yeah, very sensitive kind of guy. All right. Well, we're going to keep on listening to some music. And the first song we're going to start with is of this series is going to be by Josephine Baker with Si J'étais Blanche, If I Was White. Then Pierre Solos, the fameux Pierre Solos. So it's the third and last one of the thing, but it's Noir et Blanc. Black and White, and he's talking about, in this case, about interracial marriage and having kids and how great it's going to be. And then Orchestre Tropicana with Le Nègre, with Jordan Higé. All right, on y va. Allons-y. Teinte pâle de poupée blonde. J'aurais voulu le ressembler et je disais l'air accablé, me croyant tout seul brune au monde. Je voudrais être blanche, pour moi quel bonheur, si mes seins, mes hanches changent de couleur. Les Parisiens à joint le pain se faisaient croire au soleil d'exposer leur rein pour être noir. Moi pour être blanche, j'allais me roulant parmi les avalanches en du Mont Blanc. Ce stratagème d'un Aveyron, j'avais de l'air dans la crème d'un petit. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com.

je me suis fait l'interprète bénévole à chanter allègrement de naître notre race. Oui, je me sens fier d'être de la race de Toussaint Louverture, le véritable père de la négritude, de Jean-Jacques de Salines qui mène après lui la barbe vers les rives glorieuses et ensoleillées, de Caprès la mort qui lui t'a crié en avant, en avant, l'orme de la renverse de sa monture par un boulet, de Baron Tonnerre qui, dans un élan de sublime admiration, a déclaré: pour rédiger l'acte de l'indépendance, il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son crâne de victoire, son sang pour encre et une baïonnette plume. Le nègre, c'est un peuple jeune, intrépide, le seul au monde à lever les yeux grands, même devant son seigneur, dire son patron. Dans les veines, même par ce sentiment de fierté, je me suis fait l'interprète bénévole à chanter allègrement le nègre notre race. Gloire soit à toi, grand Dieu, et tout mes remerciements pour m'avoir fait voir le jour dans les entrailles, mon cœur s'abat, intrépide, grandissant, le nègre. I'm still here, I'm just kidding. No, no, go now, go, right, go. Guys, have a good night. Au revoir, Adrien. Au revoir, au revoir. Oh, are we going to let the dog out? Bye. Bye-bye. Salut. We're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddy and Romain. Yes. Because Adrien is living. And we listened to three songs. The first one was from Joséphine Baker with Si j'étais blanche. Then after that it was Pierre Sellos with Noir et Blanc. And then just now was Orchestre Tropicana with Le Nègre. And we're going to keep on going all night long like that on songs about slavery and colonies. But we're going to take a quick break and talk about the events coming up. So one of the events that's really fun is Le Jeune. Snow tubing at a trailhead. And the snow tubing is super fun. And if you have a teenager and you want to go, I mean, it's really fun. So snow tubing at the Lopet trailhead. And for more information, you can contact the Alliance Française at 612-332-0436. And so it's Saturday, February 10th, between 9:30 and 11:30. Hopefully, there'll be some snow. That'd be nice. And otherwise, it would be a mud tubing. Yes. Grass tubing. They would put a little bit of water and they'll have some ice, yes, just like the frost, you know. You just need to have a padded butt. Then, the same day, but at different time, there's going to be Visite guidée du MIA, Les thèmes de la peinture française à travers les âges, avec Florence Walkett. So Saturday, between 2:30 and 3:30, there's a guided tour at the MIA to talk about French painting throughout the ages. So there's a cost, and the cost is different between members and non-members. There's a limit of number of participants, so you need to register in order to make sure you can go. So for more information, you can go to afmsp.org. Otherwise, Saturday, same day. Wow, you know, I mean, if you go with your teenager, then after that you go to the MIA, you're not quite done, because at night there's going to be the Mardi Gras party at the Eagles. Yeah, with the new Riverside Ramblers. Exactly. So it's going to be between 7:30 and 11. There's a small fee for the cover, but it's with the New Riverside Ramblers and the Louisiana Rhythm Collective and Eric Morang. So if you like Cajun music, that's a good place to go. Eagles 34, and they are located at 2507 East 25th Street in Minneapolis. But if you want more information, you can go to our Facebook page. The event is listed, or you can go to the New Riverside Ramblers website or Facebook page. Then we're going to Wednesday, February 14th. There's going to be Les Navigateurs de la Littérature. And it's between 7 and 8 o'clock, and it's an online book club. So, and they'll be discussing the novel called Mercure from 1998 by the Belgian author Amélie Nothomb. Mm-hmm. So that's the main thing. There's also a festival at the main called Il Cinema Ritravetto. Mm-hmm. My Italian is not up to par. I'm sorry about that. But so it's a festival that's happening in Italy, but it's also represented. Italian films that were recovered, mm-hmm. in a way, that were found again and restored. Yeah, but in this case, the three first movies are going to be French, mm-hmm. from France. So, and they are like older movies that have been restored and things like that. So, we're talking about 1930s and 1923. And they are short films. Mm-hmm. So 6-12 minutes. And yeah, that looked pretty cool. So if you want more information, you can go to the main theater or the Minneapolis Saint-Paul Society. Yeah, the MSP Film Society. MSP Film, mm-hmm. Society, thank you. All right. And there's going to be another festival at St. John, St. Benedict, near, it's in Collegeville, but it's also near St. Cloud. And they're going to have a French cinema festival, and there's a full selection. It starts on February 16th. And there's going to be, so that's the first movie on the 16th. And this is a movie that I think we both see, Revoir Paris. Did you see that? Oh, yeah. I did too. From 2022, it's going to be at St. John, Little Theater. And at 6:30, Thursday, February 22nd, there's going to be L'Innocent from Louis Garrel, 2022. And Tuesday, February 27th, Colette et Justin. And Tuesday, March 12th, Le Charme, and that's not right, because Tuesday, March, I thought it was the 13th. Yeah, it's either Monday, if it's the 12th, or if it's a Tuesday, that's the 13th. So I'll contact them about that. The movie is an older one, is Le Charme Discret de la Bourgeoisie. Mm-hmm. That's Louis Buñuel. Yes, from 1972. Mm-hmm. Hey, great year. Mm-hmm. That's the year I was born. And Wednesday, March... Oh, no, there's more than that. There's Wednesday, March 20th with Retour à Séoul, Back to Seoul. And Wednesday, April 3rd, La Reine Margot, from 1994, from Patrice Chéreau. Mm-hmm. Which I watched it like not that long ago. I mean, like maybe 5-6 mm-hmm. years ago. But 94, I was still in France. I could have watched it. It was going on TV. And I really liked it because a lot of the action happened in Paris, at the time of the war religions and things like that. Mm-hmm. So that was, I learned some things and I didn't really think so. So it's during the Saint-Barthélemy. It's With Charles the Ninth. Yeah, that's the goal. I mean, the goal of the marriage with mm-hmm. Marine Margot was to kind of like patch things up. Yeah. So... and La Saint-Barthélemy was just by our place, by where we lived, mm-hmm. in the middle of Paris. So a lot of death. And that's it for the event. So we're going to keep on listening to music. Are we ready for more? Toujours. Hey, we have a good one that I really like called Sale Raciste. Filthy Racist, mm-hmm. Down Racist. From Alpha Blondie. Mm-hmm. Then the band 113 or 113 with a song called Anti-Racism. And then two people, Niacros et Rime au Lyrical, with Raciste. Ok. On y va? C'est parti. Sale raciste, sale raciste, nous allons chasser ces racistes hors de nos terres. Chasser ces racistes hors de nos terres. Nous avons planté le cacaoyer, nous avons planté le café. Et mon peuple, avant moi, esclave de vos rois, tu oses me regarder avec haine, tandis que tu manges ton pain à la sueur de mes peines. Nous allons chasser, chasser ce maudit raciste hors de nos terres. De nos pères, vous avez fait vos guerres, pillez nos matières premières. Vous êtes à l'origine de notre misère, vous êtes l'origine de notre galère. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Nous allons chasser, chasser ce maudit raciste, chasser ce sale raciste hors de nos terres. Première, vous et vos frontières, vous nous avez balkanisés, divisés, exploités, sans oublier les travaux forcés qui n'ont jamais été payés. Nous allons chasser, chasser ce maudit raciste, chasser ces racistes hors de nos terres. Ce monde juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. C'est trop encore ce que signifie l'amour. J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs.

mon Lacoste, il les rend nerveux. Délit de faciès en boîte ou dans une belle caisse. Délit de faciès quand je marche, ça comme un scratch. De cause à effet, pisse sur ces hypocrites. De montagnards qu'on sous-piste et j'ai kilométrique. Je dis ce que je pense sans faire de demi-mesure. Je vis en conséquence au beau milieu d'un beau paquet d'ordures. Je veux plus être spectateur d'un système qui divise. Je vends ma grappe, ma grippe. J'analyse le script, le scénario sinistre. Reflet donc notre système et sa politique. Je veux plus être spectateur d'un système qui divise. Tu vends ma grappe, ma grippe. J'analyse le script, le scénario sinistre. Reflet donc notre système et sa politique. Je veux dépêcher les l'Élysée comme un gros pied. Mettre à terre cette putain de société. Justice à filtrer ta balance et truquer. Tous fichés, une simple numéro. Agirer sans cesse taxé, surtaxé. Babylone veut tout paxer. Préparer donc le SAV. J'entends sans faille ce système. Quand c'est funérailles, j'arrose et je mitraille. En mi-congé des fourrailles, nul savent que tu pétailles. Ils nous ont roulé, c'est que de la canne. Notre devis déraille. Babylone, rends-nous donc ton bail. Avant que ça ne passe comme un feu de paille. Mes mots déchutent comme une balle. Marie, tu dis Napal. Regarde-moi, battre tu parles. Direct, je brûle le Front National. Je sais quand je passe halal, je sais c'est crade sale. Alors on ne veut plus être spectateur d'un système qui divise. Tu vends ma grappe, ma grippe. J'analyse le script, le scénario sinistre. Reflet donc notre système et sa politique. Alors on ne veut plus être spectateur d'un système qui divise. Tu vends ma grappe, ma grippe. J'analyse le script, le scénario sinistre. Reflet donc notre système et sa politique. La vie est une buissonne, n'ai confiance en personne. Quand je visionne ces sociétés pourries, je m'y personne. Vite l'alerte rouge, c'est quand je système d'alarme. Ça m'alarme quand je vois que ce putain de racisme est devenu la plus massive des abats désarmés dans ces raminés. Nous on sait faire, prêt à tout déminer. C'est le retour de la génération de ta mère. Le sens du mot famille restera gravé dans le tiers-terre. La old school s'est resté fier, toujours entouré de nos frères. Plus 30 piges, la confite au nickel, toujours à mes côtés. Quand elle se souhaitait d'enculer, ma rage la pose et balancer mes textes véhément. On dirait que l'autre versant, verser mon averse de vire des versets, mon Florent versant. Moi c'est R.I.M. Tiro, je représente le 3-0. Je m'en du M.I.C.R. au compte tous ces F.A.C.H. On cherche pas à nous mélanger, tu risques de finir sur le bûcher 9-5-L.V.S. Viens pas t'aise, viens pas t'y voter. Alors on ne veut plus être spectateur d'un système qui divise. Tu vends ma grappe, ma grippe. J'analyse le script, le scénario sinistre. Reflet donc notre système et sa politique. Alors on ne veut plus être spectateur d'un système qui divise. Tu vends ma grappe, ma grippe. J'analyse le script, le scénario sinistre. Reflet donc notre système et sa politique. KFAI is proud to present Gao Hong and Ignacio Monteverde at the Cedar Cultural Center on Friday, February 23rd. Chinese pipa virtuoso Gao Hong and flamenco guitarist Ignacio Lusardi Monteverde harmoniously combine cultures as the East meets West. Tickets for Gao Hong and Ignacio Monteverde can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. Et voilà, back on Bonjour Minnesota on KFAI Radio, and we and it's still you're still listening to Freddy and Romain. Exactly. And we listen to three more songs about racism, anti-racism, slavery, etc. They were today is a special Black History Month. Exactly. And so what songs did we listen to, Freddy? Well, the first one was from Alpha Blondie with Sale Raciste. And it's plural, which you can't really tell unless you read it, because in French that's the way it is. Then the band 113 with Antiracisme, and just now was Nyarkos and Rime au Lyrical with Raciste. So we're going to keep on going, and we're going to listen to Kerry James, which he's a rapper, but he's also an actor. Mm-hmm. And this one is called Lettre à la République, and it's also about racism, but it's also about, you know, like having his parents coming from a different country, mm-hmm. and being treated unfairly like a second class citizen. So letter to the Republic. Yeah. And then

et on les emmerde. Ai-je la bonne couleur? Pour eux, je ne crois pas. Tellement de douleur, jamais on oubliera. Ai-je la bonne couleur? Pour que la France ouvre ses bras. Oh, la bonne couleur, et celle qui nous réunira. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des ors. Tant qu'ils auront des dogmes, il y aura des dogmes. Là où est la différence sera l'ignorance. Et là où est l'ignorance, il y aura violence. Tant que la couleur de peau sera un problème. Par tous les cas, Kalachnikov éteindront sans gêne. Les récits de poèmes ainsi que la bohème. Aurait-il accepté si j'avais la problème? Ai-je la bonne couleur? Pour eux, je ne crois pas. Tellement de douleur, jamais on n'oubliera. Ai-je la bonne couleur? Faut que la France ouvre ses bras. Oh, la bonne couleur, et celle qui nous réunira. Ai-je la bonne couleur? Yeah. Ai-je la bonne couleur? Oh, ouais. Ai-je la bonne couleur? Est-ce la bonne couleur pour eux sur mon pas? Pour eux, non. Je suis noir et je compte le rester. Bomboclat. Et voilà, voilà. Voilà, we're back and it is 9:50. Indeed. We're still listening to Bonjour Minnesota for another 10 minutes. Yeah, it's going to be Balkan Jamboree with Nikolai. Uh-huh. And so we listen to three more songs. Mm-hmm. So we listen to Dadju with Dis-moi, then Team BS with Fierté, and just now was Colonel Rayel with La Bonne Couleur. And yeah, we're going to listen to three more songs. We're going to listen to Laurent Voulzy with a song that was very famous for a while, Le Soleil Donne. Mm-hmm. And when it came out, like one of my friends was saying, see, it's anti-racist because mm-hmm. the sun is giving the same kind of color uh-huh. tan, trying to unify people under the same color. Uh-huh. So he thought that was super cool at the time when it came out. This is live at the Mont Saint-Michel from 2019. Oh, yeah. mm-hmm. So, and it's a kind of a short version. He did a tour of cathedrals. Yeah, did he? Yeah. Mm-hmm. Mm, why not? Not my thing, but I'm not a singer either, so no. mm-hmm. who cares? La Galicie with a song called Antiraciste. And Sark, S-A-R-C with Chanson contre le racisme. And I think that's probably that what we're going to be able to. Yeah, mm-hmm. that'll be the end. French Influences 135 is out. Mm-hmm. So feel free to go to Mixcloud or you can go to KFAI yep. and find the show, French mm-hmm. Influences Radio Show Therapy. And it's the most recent one. Okay. All right, on y va. C'est parti.

et ensuite enchaîné par des capitalistes. Oui, il existe une seule race, c'est la race humaine. Change nos douleurs.